J'ai grandi banlieue zard, je traînais tard le soir. Les lumières ne voulions voir de la rue de l'ivoire. Ils voulaient pas nous croire, faut marquer l'histoire du rêve de pouvoir. Petit, j'ai quitté l'école, un talent gâché. Impossible de bouger quand le daron m'attachait. Je voulais m'enfuir pour m'envoler, pour prendre de l'élan et tu finis par terre. Raison ou tort, pour des sous voler de l'or. Mais je n'avais pas de repère, quel monde de chien. Les embrouilles avec les porcs, ils nous chassent comme du lapin. Oui maman, je vais faire ce qu'il faut. Tiens, rentrer plus tôt, je te le promets. Oui maman, je vais faire ce qu'il faut. Tiens, rentrer plus tôt, je te le promets. De ma cité, j'étais solitaire, je rôdais dans Paris, au pied de la tour Eiffel, rêvant toute la nuit. Au commissariat, nos têtes en photo, alors qu'on est dans les îles ou sur un bateau. Ma rancœur, motivé, on vit pour la part du gain. Oui, maman, je vais faire ce qu'il faut. Tiens, rentrer plus tôt, je te le promets. Oui, maman, je vais faire ce qu'il faut. Tiens, rentrer plus tôt. Je gâte tout, je m'aime plus où j'ai mal.